Furieux de voir sa suite, réduite par sa fille aînée de 100 à 50, Lear décide donc de partir plus tôt que prévu chez sa fille cadette, Wigan. L'aîné envoie alors à sa sœur cadette un courrier pour l'avertir de l'arrivée prématurée de Lear. Le fou s'empresse alors de tirer les conclusions auxquelles Lear doit s'attendre. « Tu verras que ton autre enfant te traitera aussi filialement, car, bien qu'elle ressemble à sa sœur comme une pomme sauvage à une pomme, pourtant, je sais ce que je sais. Eh bien, que sais-tu, mon gars? Que celle-là différera de goût avec celle-ci autant qu'une pomme sauvage avec une pomme sauvage. Saurais-tu dire pourquoi on a le nez au milieu de la face? Non. Eh bien, pour avoir un œil de chaque côté du nez, en sorte qu'on puisse apercevoir ce qu'on ne peut flairer. J'ai eu tort envers elle. Saurais-tu dire comment l'huître fait son écaille? Non. Moi non plus. Mais je saurais dire pourquoi un colimaçon a une maison. Pourquoi? Eh bien, pour écraser sa tête, et non pour la donner à ses filles et laisser ses cornes sans abri. Je vais oublier ma nature. Un père si affectueux. Mes chevaux sont-ils prêts? Tes ânes sont allés y voir. La raison pour laquelle les 7 planètes ne sont pas plus de 7 est une jolie raison. Parce qu'elles ne sont pas 8? C'est cela, vraiment. Tu ferais un bouffon parfait. Reprendre la chose de force. Monstrueuse ingratitude. Si tu étais mon bouffon, mon oncle, je te ferais battre pour être devenu vieux avant le temps. Comment ça? Tu n'aurais pas dû être vieux avant d'être raisonnable. Oh, que je devienne pas fou, cieux propice. Maintenez-moi dans mon bon sens. Je ne veux pas devenir fou.